casual notre chemin ou que l'on aille. On a tous un peu le cœur dans les étoiles. Baladène toujours en piste, moi je mène une vie de fou, mais c'est la vie que j'aime. Un avion, puis un taxi et une chambre. Du 1er janvier au 31 décembre. Un regard qui ne sera qu'une aventure. Un amour qu'une durée. Que les temps des regrets. C'est ma vie. Ce millier d'estans fragiles qui s'envolent et s'éparpillent au jardin de souvenirs. C'est ma vie, elle est là comme une femme qui aurait dit vague à l'âme juste avant de me sourire. C'est ma vie, c'est la ronde fantastique où ça roule de musique autour des jours et des nuits. C'est ma vie, avec ses joies et ses peines. Elle est pareille à la tienne, on n'y peut rien, c'est la vie. Un avion, puis un taxi, une chambre. Du 1er janvier au 31 décembre. Un regard qui ne sera qu'une aventure. Et l'amour qu'une durée. Quel est un des regrets. C'est ma vie. Ces milliers d'estans fragiles qui s'envolent et s'éparpillent. Jardin de souvenirs. C'est ma vie. Elle est là comme une femme qui aurait dit vague à l'âme juste avant de me sourire. C'est ma vie. C'est la ronde fantastique où ça roule de musique autour des jours et des nuits. C'est ma vie, avec ses joies et ses peines, elle est pareille.